Section 33 de La Lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 7e. Section 33. Les Amours de Gilles, livre 4e. Isabelle, par Louis Morin. Chapitre 6. Maladie de Paquette, les remords de Gilles. Le lendemain, Paquette était très malade. Une fluxion de poitrine venait de se déclarer. Le médecin, appelé, dit que le cas était grave et que les soins les plus attentifs étaient nécessaires. Gilles fit prier Cornelio de le dispenser de jouer pendant quelques jours. Il voulait rester au chevet de sa femme et éviter de se retrouver avec Florise. Ce fut Pulcinelle qui se chargea d'apprendre à celle-ci ce qui était arrivé. Il ne ménagea pas les qualificatifs énergiques, la franchise de langage lui étant familière, et termina en déclarant à la Colombine qu'elle ne mourrait que de sa main s'il arrivait malheur à Paquette. Il accompagna le tout d'un moulinet formidable et qui aurait rempli de terreur toute autre femme que Florise. Mais elle ne fit qu'en rire et le quitta en disant qu'elle voulait bien ne point réclamer Gilles, étant bien sûre qu'il lui reviendrait de lui-même aussitôt que sa femme serait guérie. Aux autres acteurs, on raconta que Paquette était tombée à l'eau par mégarde. Tout le monde, du reste, crut que c'était la vérité, excepté la vieille Pulcie, qui s'agitait désespérément sur son lit dans l'angoisse de ne pouvoir soigner sa fille malade. Les regards de défiance qu'elle jetait sur Gilles firent comprendre à Pulcinelle qu'elle soupçonnait quelque dramatique aventure. Gilles était tout changé. La vue de sa petite femme si malade et la conscience qu'il était la cause de sa souffrance avaient rappelé, sinon son amour passé, du moins sa tendre pitié. Pauvre mignonne, toute rose de fièvre, ou très pâle, lorsque son agitation se calmait par instants. Elle avait l'air d'une petite fille au milieu des grands oreillers blancs, avec sa figure initiale et ses 12 yeux bleus. Quelquefois le délire la prenait, et Gilles pouvait juger à quel point il occupait sa pensée. Dans ses plaintes, dans ses conversations incohérentes, dans les terreurs qui la jetaient hors de son lit entre ses bras, toute tremblante, le nom de Gilles, l'image de Gilles revenait sans cesse. Gilles aimant, Gilles cruel, Gilles moqueur, Gilles qui voulait la tuer, Gilles qui la sauvait des attaques de monstres chimériques. Il souffrait horriblement de ces divagations douloureuses. Cette folie qui mêlait quelquefois une gaieté sinistre à des plaintes désolées agissait sur ses nerfs à ce point que parfois, la nuit, une peur terrible, inexpliquée, le saisissait et le laissait des heures immobiles, une sueur froide au front, misérablement torturé. Quelquefois, dans ces moments de lucidité, Paquette parlait de sa mort possible, et elle en parlait sans appréhension, répétant toujours que ça lui était égal de mourir, pourvu que ce fût dans les bras de Gilles. « Tu comprends, je veux m'endormir sur ton cœur. Et comme jamais, jamais je ne me réveillerai, je ne saurai pas que je ne suis plus là, à cette place où je suis si heureuse. N'est-ce pas, tu ne reposeras ma tête sur l'oreiller que quand je serai tout à fait morte. Il ne faut pas que je le sente. Tu m'accompagneras au cimetière, je serai dans la gondole des morts. Je t'en prie, mets sur la bière des roses. Tu ne me quitteras que quand je serai bien enterrée, quand tu seras sûre que je suis tranquille pour toujours. Et puis, tu penseras à moi quelquefois, jusqu'à ce que nous nous revoyions là-haut. » Tous les camarades venaient voir Paquette. Cornelio, qui l'aimait comme sa fille, le docteur, qui lui expliquait qu'elle devait être bientôt remise, et pourquoi, Scapin, qui cherchait à la faire rire, à la distraire, et lui disait qu'il avait été bien plus malade qu'elle, autrefois à Florence. Cela rappelait à Paquette le commencement de son amour pour Gilles. Elle se plaisait à calculer comme il y avait longtemps déjà qu'elle l'aimait. « Tu ne m'aimais pas, toi, à cette époque. Je ne sais même pas si tu avais remarqué que j'existais. Dame, tu étais très amoureux. Moi, je ne sais pas si je me rendais bien compte de ce que j'éprouvais. Je n'étais pas jalouse de Séraphine. Et j'avais seulement de plus en plus de plaisir à être auprès de toi. Mais quand tu as été malade, j'ai compris tout de suite que la petite amoureuse de théâtre devenait une amoureuse véritable. Tu ne me voyais pas, tu étais trop malade. Le bon Pulcinelle te soignait, mais il ne pouvait pas être tout le temps près de toi. Alors je m'asseyais, comme tu es là, et je te regardais. C'est drôle, je suis sûre que je souffrais autant que toi. Et bien des fois, quand tu avais des crises, j'ai cru que j'allais mourir, comme il y a longtemps que je t'aime. Il me semble que ça a été toute ma vie. Je ne me rappelle rien du tout de ce qui s'est passé avant cela. Cependant, les jours s'écoulaient. Le médecin put enfin donner l'assurance que Paquette entrerait bientôt en convalescence. Il se félicitait fort du résultat de sa cure, disant que cette petite poitrine-là avait été bien malade pendant quelques jours. Si malade qu'il avait désespéré de la guérir. Mais tout allait bien, et des soins très minutieux allaient remettre Paquette sur pied. Il recommanda d'éviter tout contact avec l'air du dehors, à cause du temps froid et humide qu'il faisait. Gilles put sortir un peu. Maintenant que Paquette se remettait, il allait au théâtre, ou faire quelques courses indispensables et revenait tout de suite auprès de sa chère mignonne. Dans la chaude alarme qu'il avait eue, il avait oublié presque entièrement Florise. C'est à peine si, de temps à autre, il avait laissé sa pensée s'envoler un instant, là-bas, dans le petit boudoir rocaille. Il rencontra la Colombine pour la première fois depuis la maladie de sa femme, au théâtre, où il fallait bien qu'il reprît son rôle pour ne point offenser son public par une trop longue absence. Elle fut parfaite de convenance, demanda des nouvelles de Paquette avec un affectueux intérêt. Ils jouèrent ensemble. Gilles fut de nouveau, dans une comédie qui obtenait le plus vif succès, le pauvre et doux Jocris qui raille les femmes et que les hommes persécutent. Le théâtre, délaissé depuis quelques jours, dut ce soir-là refuser du monde à ses portes. Et les applaudissements, bravos et cris d'enthousiasme furent assez nourris pour satisfaire pleinement la vanité du comédien. Comme il s'en allait pour rejoindre Paquette au plus vite, Florise lui dit à l'oreille « Quand tu pourras revenir, l'un de ces soirs, je t'attends, tous les soirs. » Mais il n'eut pas l'air d'entendre et regagna la Riva del Carbone d'un pas très décidé. Fin de la section 33. Lu par Saner Myriam, Savartès, le 30 octobre 2024.